la la la R, la la la la. Ah non, c'est pas ça. Et roule ta bosse, ton père est bossu. Ah, je dois jouer maintenant. Thank you.